Pour un transport en toute sécurité, les autobus du groupe Véro sont les gens à contacter. Nous offrons des transports de 48 à 56 passagers, en plus du transport scolaire. Chez le groupe Véro, notre confort est notre priorité. Téléphonez-nous au 418-679-1573. Le personnel et la direction du groupe Véro souhaitent une belle saison au Sabre de Roberval et fiers commanditaires de la chronique de l'instructeur-chef Patrice Gagnon. Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roi. La Caisse Desjardins du Domaine du Roi est fière de vous présenter la chronique hebdomadaire des Sables de Roberval. Desjardins, toujours impliqué auprès des jeunes de sa collectivité, souhaite tout le succès possible à son équipe junior 2A. On va parler avec l'instructeur-chef Patrice Gagnon des Sabres d'Orbeval, qui est commandité par la Caisse populaire, la Caisse des Jardins, Domaine du Roi, également Groupe Véro. Salut Patrice. Salut Danny. Patrice, 4-0 défaite par Blanchard au Centre sportif de Normandie. Ça se déroulait vendredi soir. Oui, c'est bien ça, oui, 4-0. OK. Comment ça s'est passé dans l'ensemble? Bon, écoute, dans l'ensemble du match, on regarde ça, là, ça a été relativement un match serré parce que le pointage était 1-0 jusqu'à 8 minutes de la fin en troisième période où ils ont inscrit un deuxième but. Ensuite, on a eu un avantage numérique, il restait en bas de 5 minutes là où quand même on a eu des bonnes chances de marquer, on a passé proche de marquer un filet dans ces deux minutes-là qui auraient pu nous permettre par la suite d'essayer d'égaliser, mais après ce power play-là, c'est ça, c'était plus difficile là, les deux dernières minutes où les États-Unis ont marqué deux buts. OK. Donc, une défaite de 4-0. En fin de semaine, c'est contre les Saguenay de Chicoutimi. Saguenay qui sont quoi? Je suis en train de regarder ce classement général de la Ligue. Ils sont au troisième rang de la Ligue. Ça va avoir lieu à Roberval. Oui, c'est également les marqués là, aussi. Vu qu'on est là avant les fêtes, ouais, c'est samedi à 20h. Ensuite, on joue dimanche là, à Jonquière à 19h. OK. Dans les joueurs à surveiller, c'est qui? C'est Lamirande, c'est Bélanger, c'est qui en fait? Là? Tommy Lavoie, Raphaël Santerre, c'est des gars qu'il faut surveiller du côté des Saguenay? Ouais, ils ont relativement une bonne équipe, une bonne offensive, puis il y a une bonne équipe en général. Là, je pense que ça peut provenir d'un peu partout. Okay. Puis c'est ça, c'est sûr que sur le moment, nous, on est beaucoup plus concentrés sur notre formation à nous qu'on peut l'être à ce statut de la saison sur l'autre équipe là. OK. Ouais. Et le lendemain, ben, les Marquis, deuxième au classement général, juste derrière les Éperviers de Normandin. Puis eux, je regarde ça, ils ont une bonne attaque. Là. Jimmy Grimard également, 3 buts. Également, Jean-Simon Girard, 5 buts. J'imagine que c'est un trio, ça aussi. Là. Oui, eux autres, là, oui. Ça doit jouer sur la même ligne, là, ou sur les deux premières lignes, ça, c'est sûr et certain, oui. OK. T'es-tu content du début de saison, Patrice, de l'équipe jusqu'à maintenant? Parce qu'à quelque part, t'es arrivé, du Métabitchouan. L'année passée, Jason Lajeunesse avait fait plusieurs transactions pour. Et on misait un petit peu une reconstruction. Mais là, je regarde encore le dernier rang. T'es-tu quand même content ou ça peut se replacer? Ben là, c'est sûr que, je veux dire, plusieurs personnes regardent ça puis ils vont parler des résultats de l'équipe, là. Mais c'est sûr et certain que ce qui se passe avec notre formation pour le moment, là, je suis pas surpris, là, parce que c'est sûr et certain que nous, présentement, là, cette année, c'est un processus. Hein. Ce qu'on fait, ben, ça dépend de la philosophie des équipes. Nous autres, la nôtre, présentement, dans les 7 premiers matchs qu'on est en train de faire, on est en train de former nos joueurs. On est en train d'utiliser tous nos joueurs, les nouveaux comme les vétérans, dans toutes les situations pour leur permettre de s'acclimater au niveau du junior, puis aussi pour leur donner la chance là, de faire leur preuve là, aussi, la formation, pour voir un petit peu là, quel style de joueur que c'est ces bonhommes-là. Là. Okay. Fait que dans les 7 premiers matchs, on en est là présentement. Donc, on s'attendait, je veux dire, pas nécessairement qu'on s'attendait, mais je veux dire, on est au courant quand on a une philosophie comme ça que ça se peut que le début soit un petit peu plus difficile, mais c'est le cas présentement. OK. Donc, pas de panique à bord du côté des sorts. Non, pas du tout. Puis, on est en plein contrôle de la situation. Puis, avec les joueurs, là, on suit le plan, là, puis on s'en va comme ça. OK. Ben, Patrice, ça fait pas mal le tour pour cette semaine. L'équipe du côté des blessés, comment ça va? Ça va bien de ce côté-là? Une unité spéciale? Y a-t-il quoi à travailler là-dessus? Non, ben si je te disais, écoute, au niveau des blessés, on en a un présentement, un gardien de but qui est blessé. Pour le reste, l'équipe est quand même en santé. Au niveau des unités spéciales, comme je te disais tout à l'heure, là, lorsqu'on travaille ça là, depuis le début de la saison, on implique tout le monde. Donc, c'est sûr qu'on a travaillé ça encore un petit peu à l'entraînement cette semaine. Donc, c'est sûr que... mais c'est tous les joueurs qui jouent dans ces situations-là pour le moment. Fait que on a travaillé, donc on devrait peut-être avoir des résultats de ce côté-là. Là. OK. Mais tu sais, évidemment, ouais. C'est comme quand... Tu sais, Danny, c'est comme si quand tu dis, mettons, dans une certaine période de la saison où ce que les unités spéciales, les joueurs qui vont jouer sur l'avantage numérique vraiment vont être déterminés, puis là, tu travailles ça, les résultats vont venir plus vite que si tu travailles avec tous tes joueurs là, au niveau des quatre trios qui jouent sur l'avantage numérique, parce que eux en plus, leurs tours ne reviennent pas nécessairement souvent dans ces situations-là. OK. Hein? Oui, ouais, c'est sûr. Que... Hey, Bradley Matawa, comment il va? Bradley, là, il va mieux. Là. J'y ai parlé encore cette semaine, puis il dit que la vision de son œil s'améliore. Fait que c'est ça, mais c'est sûr que c'est décevant pour lui le fait qu'il puisse pas jouer, hein. C'est sûr que c'est un passionné de hockey, fait qu'il peut pas jouer. Ça, de ce côté-là, il trouve ça plate, mais là, la vision s'améliore un peu. Ouais, là, son œil est sauvé, là. C'est la question. Le hockey, c'est bien secondaire dans un cas comme ça, là, mais son œil est sauvé. Ben, je veux dire, ça s'améliore, mais on ne sait pas. Tu sais, je veux dire, c'est une question de temps, de savoir si la guérison va être complète. Là. OK. Hey, depuis il va falloir attendre quelques mois. Là. Ouais, depuis que c'est à Mastouillache, est-ce que les assistants sont en hausse ou en baisse? Ou ça se maintient? Ça, je pourrais pas te dire, Danny, parce qu'au niveau des chiffres, là, au niveau de l'assistance, je ne suis pas au courant de ça. OK. Ben, ça fait le tour pour cette semaine, Pat. On s'en reparle mercredi prochain? On rappelle évidemment que cette chronique est même poste. Donc on rappelle que cette chronique est une commandite de la caisse Desjardins Domaine du Roi également du groupe Véro.